L'Association internationale des Coréens pour la réunification a fait paraître la revue mensuelle Réunification des mois de janvier et de février. La revue présente la nouvelle des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un effectuées à la fabrique de serviettes de Pyongyang, à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, à l'usine de kimchi Ryugyong avec ses photos. Elle insère aussi 10 importantes nouvelles coréennes 2016, notamment le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême, les campagnes de 70 jours et de 200 jours, la réussite au premier essai de la bombe H, le lancement du satellite d'observation de la Terre Kwangmyong-Song 4, le lancement d'essais en plongée de la bombe balistique du sous-marin stratégique, le lancement d'essais de la fusée balistique stratégique à longue et moyenne portée sol-sol Hwasong 10, l'essai au point fixe du jet de moteur de grande puissance d'une nouvelle série de porteuses de satellites stationnaires, l'essai d'explosion d'ogives nucléaires et la victoire des footballeuses de moins de 20 ans et de moins de 17 ans dans les coupes mondiales féminines. La revue présente aussi les données sur les fêtes folkloriques coréennes, ainsi que les nouvelles de la Corée du Sud et internationales.